Famille en deuil lorsque les morts viennent te porter. Tu ne dors que d'un œil quand les remords viennent te border. T'as de la chance alors tu penses qu'on te nique pas. Mais tu danses lorsque le diable te joue de l'harmonica. Tu croyais quoi qui rêve de trophée, rêve de gloire. Plus à trop qu'à la lumière, petit PD, on rêve de noir. Et ça pique dans tous les quartiers de Paris. Avec un Glock, même les petites frappes se prennent pour le cartel de Cali. Des hispaniques, des arabes et des noirs. Et des espoirs, n'oublie jamais qu'il y a que les aveugles qui rêveraient de voir. À trop se plaindre, forcément on finit par saigner. À trop se craindre, on finit par s'aimer. On finit seul, à se demander que vit-on. À la conquête de rien, se met auto dans le sac Louis Vuitton. Et ils avancent comme s'ils avaient quelque chose à vivre. Tous ces petits PD qui rappent comme s'ils avaient quelque chose à dire. Numéro 46 sur le maillot Yamaha. Tu veux tester l'équipe, vas-y va là-bas. Au roue arrière, on finit à la barre. Mais à la base, je voulais le bif de David à la barre. Numéro 46 sur le maillot Yamaha. Tu veux tester l'équipe, vas-y va là-bas. Au roue arrière, on finit à la barre. Mais à la base, je voulais le bif de David à la barre. Ils voudraient qu'on se mélange, mais j'ai vu que c'était des putes. Dans la misère, on s'unissait que dans la richesse, on s'était plus codé. Vu on s'aimait, une fois le mago, on s'aimait plus. À trop faire de bif salement, logiquement, on serait plus. L'ambition qui pousse au vice, et les types se mettent à détailler. Veulent égaler, rêve d'un terrain ou d'être médaillé. Les intégros sur le R6, et si les zones d'ombre persistent, les poucaves les éclaircissent. Plus de remords, ça presse la détente à coup sec. Plus de coups de sept, des mères familles ont de la coke dans la poussette. L'amitié, une parodie. C'est dans la mer qu'on s'associe. T'as des armes, bah tant mieux, on a des armes aussi. Je te fais le tableau ici, les flammes s'embrassent du ciel. On rêve d'or en bas et nous en bas, ça pense au casse du siège. Sous la patte du gain, ça finit sous la patte d'une chienne. Si tu fumes ton associé, pense à retirer la balle du siège. Numéro 46 sur le maillot Yamaha. Tu veux tester l'équipe, vas-y va là-bas. Au roue arrière, on finit à la barre. Mais à la base, je voulais le bif de David à la barre. Numéro 46 sur le maillot Yamaha. Tu veux tester l'équipe, vas-y va là-bas. Au roue arrière, on finit à la barre. Mais à la base, je voulais le bif de David à la barre.